Avant de t'y retrouver, qu'est-ce que tu en pensais de la prison ? J'avais l'image de la prison, mais telle que je les voyais dans les vieux films, je sais pas, avec Lino Ventura, avec Jean Gabin. Enfin voilà, c'était l'image que je me faisais de la prison, où les gens se faisaient un peu tabasser. Je peux pas dire que les gens ne se font pas tabasser, peut-être pas ici, hein, mais pas loin d'ici, oui. Ah oui, je peux dire, la première fois que je suis rentrée, quand je suis arrivée en prison, hein, après, quelques jours après les faits, j'ai trouvé, ah tiens, ça sent la prison. Moi, je suis très sensitive, sensorielle, comme ça. Et une maison a son odeur, les gens ont leur odeur, non pas désagréable, mais c'est particulier, ça fait leur particularité. Et je me suis dit, ah, ça sent la prison, ça sent la prison. Et c'est une odeur que je n'ai jamais retrouvée. C'est une odeur que je ne connaissais pas, c'était une nouvelle odeur. Ce n'est pas un produit de nettoyage, c'est une odeur d'atmosphère. C'est, voilà. Maintenant, je ne la sens plus, hein. Je suis dedans. Quoi. Je suis dans la merde. Voilà. Non, je rigole mal, mais voilà, je ne la sens plus. Voilà, fait chier, je suis en prison, quoi. Ça m'est arrivé. Merde alors, c'est ça que je veux dire, merde.